Big City, ancien joyau des Étaliers, atteint d'une rare maladie rendant ses habitants belliqueux. Ça veut dire qu'ils veulent se battre contre tout le monde sans raison. Big City, nouvel État libre et totalement indépendant, coupé du reste du monde par le Grand Mur. Depuis l'érection de ce Grand Mur, le paysage de notre si bel État est défiguré. Mais vous savez que l'on peut faire confiance à notre président depuis qu'il a été acquitté dans l'affaire de sa gastro-entérite. Et il a une solution afin d'embellir à nouveau notre pays, et cette solution, c'est « Adieu Big City ». Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président des États liés, Marty Morcel. Bonjour, bonjour à tous. Oui, merci, merci, bonjour. Bonjour. Merci, bonjour à tous. Merci. Merci. Merci. Bonjour, monsieur le président. C'est un immense honneur de vous recevoir dans cette émission. C'est un plaisir pour moi, merci. Alors dites-nous. Qu'est-ce que c'est Adieu Big City? Eh bien, c'est une idée assez simple. Je veux créer le plus grand parc d'attractions et de loisirs du monde entier. Mais quel rapport avec Big City? En fait, j'ai demandé au Conseil des Nations Unifiées la permission de raser entièrement la ville, et vous savez quoi? Je l'ai obtenue. Incroyable! Le problème, c'est que ce projet va coûter de l'argent, et je n'ai certainement pas envie de faire payer plus d'impôts à nos honnêtes concitoyens. J'ai donc eu l'idée de mettre en place une émission de télé-réalité. Merveilleux! Merci. Et quelle sera cette émission? Eh bien, c'est ça que nous appellerons Adieu Big City. Cette émission va nous permettre de suivre les derniers jours de la ville des habitants de Big City avant de la bombarder. Vous voulez dire que nous allons assister à la fin de la vie de milliers de personnes? Exactement. Mais c'est génial! Nous n'avons pas vu une telle émission depuis Murder Academy. Bien sûr que c'est génial! Après tout, j'ai été élu le président le plus hot de tous les temps dans le magazine Voilou cette année! C'est vrai que vous êtes sexy! Bien évidemment, tout cela ne serait pas possible sans nos sponsors. Big Cola, bien sûr, Pizza Jabba, Boeing Telecom et Rencontre Ic. Cela ne laisse présager que du bon, et dites-moi, monsieur le président, quand est-ce que cette émission débutera? La semaine prochaine!